un instant de nuée rose entre le crotal et l'abeille, le jeu cruel de la beauté. Il suffit que s'efface la forme pensée, un air d'éternité reprend sa place. Tout est simple, inversé. Une violette s'échappe d'un haïku où le poète hésite encore. Le plissé d'une soie creuse une faille fine et profonde au cœur délaissé.